Alors, si vous voulez poser une question en chinois, il suffit de penser à votre gentille petite maman. En effet, maman aura toujours une question à poser, c'est son rôle, parce qu'elle se soucie vraiment de ses enfants. Alors, pensez à votre maman. Hein, pensez à votre maman quand vous posez une question. Maman, serrez votre poing. Maman. Et elle a toujours le dernier mot. C'est-à-dire qu'elle intervient tout à la fin de la phrase quand vous voulez poser une question. Et c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Parce qu'il suffit de dire la phrase normalement, donc comme une phrase affirmative, et d'ajouter le petit mot « ma » à la fin. Donc, on n'a même pas besoin d'inverser les mots comme en français quand on passe de la phrase affirmative « tu es chinois » à la question « es-tu chinois ?». Donc, pour poser la question « es-tu chinois ?», on dira simplement « tu es chinois ?» avec à la fin le petit mot « ma ». Bien. Alors, comment diriez-vous « es-tu chinois ?» Tu Ni Es Shi Chine Zhong Guo Personne Ren Et le mot interrogatif Ma Ni Shi Zhong Guo Ren Ma. Alors maintenant, comment direz-vous ? Es-tu français ? Tu Ta Non, tu Ni Es Shi France Fa Guo Personne Ren Et maintenant le mot interrogatif Ma Ni Shi Fa Guo Ren Ma. Et maintenant pour une femme, comment diriez-vous Je suis française. Je Wo suis Shi France Fa Guo Personne Ren Wo Shi Fa Guo Ren. Et maintenant dites-moi, es-tu anglais? Tu Ni Es Shi Angleterre Ying Guo Personne Ren Et maintenant le mot interrogatif Ma Ni Shi Ying Guo Ren Ma. Et pour une femme, comment dites-vous Je suis anglaise? Je Wo suis Shi Angleterre Ying Guo Personne Ren. Comment dites-vous personne? Ah oui, je me suis trompée de ton, c'est un doigt levé. Ren. Oui, Ren. Un, qu'est-ce que tu dis, hein? Un. Alors comment dites-vous personne? Ren. Oui, et la phrase entière est Wo shi ying guo ren. Si vous voulez répondre oui à une question, il suffit de répéter le verbe. Donc, pour répondre oui à la question « es-tu chinois ?», vous reprendrez simplement le verbe « être ». Alors, par exemple, comment demandera-t-on « es-tu chinois ?» Tu Ni Es Shi Chine Zhong Guo Personne Ren Et le mot interrogatif Ma Et pour répondre oui, il vous suffit donc de répéter le verbe. Alors, comment répondrez-vous oui à la question « es-tu chinois ?» Shi Shi Ni shi Zhong Guo Ren ma Shi Alors ici, le doigt noir est pointé vers le sol. Ce que vous dites pour répondre oui, c'est tout simplement être. Ou dans notre exemple, suis. Et le je est inutile ici, car on sait déjà d'après le contexte de qui on parle. Et maintenant, comment direz-vous es-tu français? Tu 你 est 是 France 法国 personne 人 et le mot interrogatif 吗 你是法国人吗 Alors, si quelqu'un vous pose cette question, comment direz-vous oui ? 是 是